بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, le sixième cours dans l'explication du chapitre du mariage tiré de Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et donc on est arrivé à la parole de l'auteur lorsqu'il dit wa yanbari أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. Et donc il dit l'auteur rahimahullah, et il est convenable que donc celui qui demande la main de la femme, que il est convenable que lors du contrat de mariage il récite la khutba d'Ibn Mas'ud. Quelle est la khutba d'Ibn Mas'ud? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui est voulu par la khutba d'Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné la khutba concernant al-hajah, le besoin. Le sermon concernant le besoin. Qu'est-ce qui est voulu par le sermon lié au besoin? Dans une narration dans Sunan Abi Daoud, Abu Daoud qui dit que Muhammad ibn Kathir a rapporté que Soufiane lui a informé, d'après Abu Ishaq, d'après Abu Ubaida, d'après Abdullah ibn Mas'ud, concernant la khutba liée aux besoins et au mariage. Et donc on a une khutba qui est connue en islam, khutbatul haja. C'est celle que l'imam va réciter lors des sermons, au début du sermon. Vous avez l'habitude d'entendre ici au début des sermons, donc l'imam qui prononce ce qu'on appelle khutbatul haja. Et donc la khutba concernant le besoin. Cette khutba, il est recommandé de la faire durant nos diverses affaires, même pour le mariage, comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Et beaucoup de personnes ont délaissé cette sunnah lors des contrats de mariage. Beaucoup de personnes, lors des contrats de mariage, ils ne vont pas pratiquer cela. On ne va pas entendre la personne donc qui va commencer Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, etc., etc. Beaucoup de personnes vont délaisser cela. Et d'autres, subhanallah, ils vont remplacer khutbatul haja par une innovation. Quelle est cette innovation? Le fait de réciter surat al-fatiha lors du contrat de mariage. On va te dire, contrat de mariage, al-fatiha, yallah, bismillah. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla a commencé son livre par la fatiha. Nous allons commencer ce livre marital par la fatiha. Bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait cela. Ni lui, ni ses compagnons, ni ceux qui sont venus après les compagnons, ni les imams des quatre écoles. C'est une bida. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit cela. Et c'est impressionnant comme on voit, les savants, ils nous ont dit, à chaque fois qu'une personne fait une innovation, elle va délaisser donc sa semblable dans la sunna. C'est-à-dire, elle va délaisser ce qui devait être fait à ce moment-là dans la sunna. Et donc les gens, ils vont faire l'innovation de réciter la fatiha. Et ils vont délaisser khutbat al-haja qui devait être récité. Taïf, je pose une question. Quelqu'un vient vous voir lors d'un contrat de mariage. Hein? Il y a un d'entre vous qui doit se marier. Et on a donc un imam ou un responsable qui commence à réciter le fatiha. Celui qui doit se marier, il dit non, on ne va pas réciter le fatiha. L'autre, il va lui dire, attends, mais le fatiha, c'est une bida? Est-ce que la fatiha, c'est une bida, c'est une innovation? Tu réponds quoi? Tu réponds non, c'est pas une bida. Et donc, on peut réciter le fatiha? Non, ça ne veut pas dire que tu peux réciter. Si tu as dit que est-ce que la fatiha, c'est une bida, tu dis non, mais tu n'as pas dit que tu peux la réciter. C'est pas la même chose. Ahsan, barakallahu fik. Et donc, la fatiha, c'est clair, la fatiha, c'est pas une bida. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la fatiha pour cette raison? Ça, c'est une bida. C'est ça la bida. D'accord? Et donc, barakallahu fikoum, cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi un point, c'est que certains aujourd'hui, les jeunes, lorsqu'ils se marient, ils demandent beaucoup de recommandations. Fais-nous un discours pendant le contrat de mariage. Ils demandent des discours, des rappels, etc., etc., etc. Comme si, aujourd'hui, c'est devenu comme si c'est la sunna. On a besoin d'un imam ou d'un talib ilm qui vienne nous faire un rappel pendant le mariage. Barakallahu fikoum. Les frères, cela n'a été rapporté d'aucun des pieux prédécesseurs. Il n'a été rapporté d'aucun des pieux prédécesseurs qu'il ait rajouté quoi que ce soit à Khutbatul Hajj. Les gens, ils venaient, Khutbatul Hajj, ils faisaient la demande, l'acceptation, Alhamdulillah, khalas. Ça s'arrêtait là. Il n'a nullement été rapporté qu'on faisait des rappels, etc., etc. Certains savants nous disent, si le rappel, il est fait de temps en temps, et que ce n'est pas pris pour une habitude, à tel point que les gens ne pensent pas que c'est une sunna, ils disent, il n'y a pas de mal. Parce que peut-être de temps en temps, tu vois qu'il y a une nécessité, etc., tu fais un petit rappel. Mais de là à ce que ça devienne une habitude, et que les gens pensent qu'à chaque fois qu'on fait un contrat de mariage, il y a besoin de faire ce discours, non, ça c'est une innovation. Ça, c'est une innovation, ça n'a pas été, il n'y a pas de preuve concernant ce sujet dans la législation. Et donc, quel est ce discours? Subhanallah, oh chers frères, si on médite sur ce discours, le sens de ce discours, on verra qu'en réalité, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, mais il faut juste qu'on médite sur ce discours. Innalhamdalillah. Toutes les louanges reviennent à Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Nous le louons, nous lui implorons son aide et nous implorons son pardon. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nous implorons la protection d'Allah contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises œuvres. Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu. Celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Waman yudlil fala hadiyalah. Et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah seul et sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Et ensuite la personne récite trois versets du Coran qu'on verra, Incha'Allahu Ta'ala. Et donc ici, barakallahu fikoum, il y a dans ces quelques paroles qu'on vient d'entendre, le fait, premièrement, de commencer, tu commences ton mariage en faisant les éloges d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu commences ton mariage en faisant les éloges d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu commences ton mariage en reconnaissant l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu as choisi de faire un mariage shar'i. C'est pas un mariage civil. C'est un mariage shar'i. Légiféré. Et donc, tu mets en évidence l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dès le début de ce mariage. Et donc, il y a dans ce discours l'importance de l'unicité. Car en réalité, s'il n'y a pas d'unicité, s'il n'y a pas de monothéisme dans ce mariage, il n'est pas profitable. Il n'est pas profitable. Je vous donne un exemple de mariage qui n'est pas profitable, qui est cité dans le Coran, que les enfants mémorisent. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Que périssent les mains d'Abu Lahab. Et qu'ils périssent. Ma arna anhu maluhu wa ma kasab. Ses biens et ce qu'il a amassé ne lui sont profitables en quoi que ce soit. Wa mara'atuhu hammalat al-hatab. Son épouse qui transporte le bois, sa femme dans le feu, vu qu'elle l'a aidé ici-bas à combattre le prophète, à combattre l'islam, dans le feu, c'est elle qui va l'aider à brûler. Un mariage qui n'est pas profitable. Et donc, nous, on veut que ce mariage soit profitable ici-bas et dans l'au-delà. Et donc, il est impératif que ce mariage ait déjà les bonnes bases, le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. La personne implore la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le mal de son âme. Nous commettons tous des péchés. Nous fautons tous. Aucun homme ne peut dire qu'il est parfait dans son mariage. Nous fautons tous. Et donc, sache, ô mon frère, que tu as besoin de la guider d'Allah. Sache, ô ma sœur, que tu as besoin de la guider d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya muqallib al qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ô celui qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Il est important d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il nous appelle, qu'il nous accorde de la guider. Et c'est ce qu'on voit dans ce discours. Et donc tu veux réellement être un époux pieux ou une épouse vertueuse, demande à Allah tabaraka wa ta'ala la guider. Combien d'époux n'acceptent pas les conseils de leurs épouses? Et combien d'épouses n'acceptent pas les conseils venant de leurs époux? Tout cela parce qu'il y a un manque. Il y a un manque dans la guider. Et donc, il faut demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la guider. Et c'est ce qu'on voit directement au début de ce mariage dans Khutbatul Haja. Il y a aussi, barakallahu fikum, dans ce discours, le rappel des deux attestations. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est la base de ton mariage. C'est la base du mariage. S'il n'y a pas ça dans le mariage, tu es perdu. Le fait d'affirmer que Allah c'est lui le seul à mériter l'adoration, et le fait d'affirmer que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que tu t'es marié en attestant que Allah est la seule divinité et le seul à mériter l'adoration, en attestant que Mohammed est le messager d'Allah, ça veut dire que s'il y a un problème dans le mariage, qu'est-ce que tu fais? Il y a un désaccord entre toi et ton épouse, qu'est-ce que tu fais? On regarde dans le Coran et la Sunna. De la même manière qu'au début du mariage, on a dit « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». On n'est pas d'accord sur un sujet. On diverge sur un sujet. Il y a une dispute. Il y a un conflit entre l'homme et sa femme. Qu'est-ce qu'on fait? Kitabun wa sunna, le livre et la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul ». Si vous vous disputez en quoi que ce soit, alors renvoyez cela à Allah et à son messager. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et donc oui, dès le début du mariage, c'est important de commencer avec de bonnes bases. Et c'est ce qu'on voit dans ce sermon. Hein, beaucoup vont délaisser cela. Ya ikhwa, si on médite sur ce sermon, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il y a tout ce qu'il faut dans ce sermon pour nous rappeler comment on doit marcher tout au long de ce mariage. Ensuite, concernant les trois versets, l'auteur il nous dit « Rahimahullahu ta'ala wa salasul ayat fassaraha ba'duhum » Et donc, les trois versets, certains ont expliqué les trois versets. Donc, on trouve les trois versets dans certaines narrations du hadith. Et donc, parmi ces trois versets, le premier, la parole d'Allah تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez eu la foi, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Craignez Allah comme il se doit. Ô mon frère, ma soeur, toi qui es marié, hein, c'est facile de craindre Allah Azza wa Jal quand on est ensemble à la mosquée, les frères qui viennent, qui montre un beau visage à la mosquée, mashallah, Allahumma barak, la douceur, la piété, et une fois qu'il arrive à la maison, un monstre. Crains Allah tabaraka wa ta'ala où que tu sois. Ô ma soeur, crains Allah tabaraka wa ta'ala où que tu sois. Que ton mari soit présent à la maison ou qu'il soit absent. Et toi mon frère, crains Allah où que tu sois seul ou que tu sois accompagné. Ne te dis pas, ah, ma femme n'est pas au courant, je peux le faire. Crains Allah tabaraka wa ta'ala, ittaqullah haqqa tuqati, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir, alors assure-toi d'être en pleine soumission. Comme ça, il n'y a pas de problème. La mort, elle peut venir, alhamdoulilah, je ne suis pas en train de faire un péché. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle l'importance de la taqwa. Et dans le mariage, s'il n'y a pas de taqwa, c'est un gros problème. c'est un gros problème. Car celui qui n'a pas de taqwa, celui qui n'a pas de crainte, on peut lui faire autant de rappels qu'on veut, ça ne sera pas profitable. Ça ne sera pas profitable. Pourquoi ? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, au début de Sourate al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ceci est le livre sur lequel il n'y a nul doute. Une guidée pour les muttaqins, ceux qui ont la taqwa, ceux qui ont la crainte. Et donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas la crainte, ils ne vont pas profiter de cette guidée. Tu peux lui dire, oh là là, Allah il a dit, le messager d'Allah a dit, Allah il a dit, le messager d'Allah a dit. Mais lui, déjà à la base, il ne craint pas Allah. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, il nous appelle à le craindre. Le deuxième verset, dans Sourate An-Nisa, Ya ayyuhan nas, ô homme, ô gens, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Craignez, encore une fois, le fait de craindre Allah. Craignez votre Seigneur, celui qui vous a créé à partir d'une seule âme, c'est-à-dire à partir de Adam alayhi salam, wa khalaqa minha zawjaha, et qui a créé à partir de cette âme, il a créé son épouse, c'est-à-dire Hawa. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, et qui a propagé beaucoup d'hommes et de femmes à partir de ces deux-là. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, et craignez Allah, celui par lequel vous vous demandez des choses. Hein? Vous vous demandez des choses, c'est-à-dire lorsque tu demandes à quelqu'un quelque chose et que tu veux vraiment cette chose, بِاللَّهِ عَلَيْكِ, est-ce que tu peux me rendre tel service? Par Allah, est-ce que tu peux me faire tel service? Par Allah. Et donc les gens, ils se demandent en utilisant le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah, il nous dit de la même manière que quand vous demandez quelque chose avec insistance, vous utilisez le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors craignez-le. Et craignez aussi le fait de rompre les liens de parenté. Lorsque tu te maries avec cette femme, fais très attention à ne pas rompre les liens de parenté. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala connaît parfaitement ce que nous faisons. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-alamatu as-sa'di. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le très savant as-sa'di, il dit, dans le tafsir de ce verset, il nous dit, ta'ammal kayfa iftataha hadhihi as-surah bil-amri bit-taqwa wa silati al-arham wal-azwaj umuman. Et donc, médite comment Allah tabaraka wa ta'ala a débuté cette sourate, sourate An-Nisa, par le fait d'ordonner la taqwa, la crainte d'Allah azza wa jal, et le fait de respecter les liens de parenté, et donc le mariage et les époux de manière générale. Thumma ba'da zalika fasala fi hadhihi al-umur, fasala fi hadhihi al-umur atamma at-tafsil. Et ensuite Allah, dans le reste de la sourate, Allah a détaillé ces éléments-là. Min awwalis surah ila akhiriha. Du début de la sourate jusqu'à la fin de celle-ci, Allah a détaillé ce qui est voulu ici. Et donc, dans ce verset qu'on va réciter au début du mariage, on va nous rappeler de revenir à cette sourate, sourate An-Nisa, la sourate des femmes. Hein? Dans cette sourate dans laquelle Allah a détaillé énormément de points importants concernant le mariage. Et donc, il nous dit le shir, faka annahe. Et donc c'est comme si cette sourate, elle est basée sur ces éléments qui ont été cités. Et qu'elle va détailler ce qui a été laissé, donc de manière générale sans être détaillé. Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, celui qui a créé à partir de cette même âme, donc son épouse, il dit, il y a cela, le fait d'attirer notre attention sur l'importance du droit des époux et des épouses, et le fait que nous devons accomplir et respecter ces droits. Car les épouses ont été créées à partir des époux. Et donc il y a entre eux et elles le lien le plus fort et l'ascendance la plus forte. Et ensuite le cheikh qui nous cite donc le dernier verset qu'on va réciter donc dans Khutbat al-Hajj, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Prononcez des paroles justes. Ô toi qui es marié, fais attention à ce que tu dis. Ma sœur, mon frère, nous devons faire attention à ce que nous disons. Une parole peut être très blessante. Comme le disent les savants, la parole blesse plus que l'épée. L'épée, elle peut blesser, mais ensuite la blessure, elle guérit. La parole, elle reste là. Elle reste là. Et donc nous devons faire très attention à ce que nous disons. Le mariage est un sujet important. Et nous savons que nous sommes tous faibles, mais nous devons tous nous efforcer de corriger nos fautes mutuellement. Et comme vous venez de le constater, barakallahu fikoum, cette khutba est un très très très très fort rappel que nous ne devons pas délaisser durant les mariages. Que nous ne devons pas délaisser durant les contrats de mariage. Et c'est peut-être, wallahu a'lam, une cause dans le fait qu'il y a autant de divorces aujourd'hui, car les gens ne méditent pas sur ces sujets qui ont été cités. Ils ne méditent pas sur ces sujets qui ont été cités, qui doivent être rappelés régulièrement dans les couples, afin qu'on s'assure que cela soit maîtrisé et pratiqué. Et c'est pour cela que lorsque tu viens au Jumu'ah, tu vas entendre l'imam qui va répéter cela encore. Khutbat al-Jumu'ah, elle commence à chaque fois, ou régulièrement, l'imam il commence par prononcer ce sermon. Et donc c'est important, chers frères, barakallahu fikoum, qu'on craigne Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal nous pardonne nos fautes, nos faiblesses et nos manquements, et qu'il fasse de nous tous des hommes pieux et vertueux, qu'il bénisse nos familles, nos épouses et nos enfants. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.